faire payer à sa tenue parce qu'il sera adulte. Attends, là mon cul est en train de tourner sur le gâteau là. Oui, je te mets bien dedans le cul. On est en train de mourir. On est de rire. Ouais. Aidez-moi. Vas-y, Joseph. Je te délivre, Joseph. Oui, Joseph, mais il y a pas de temps. À moi. Bon, attends, viens pour moi. C'est moi qui vais là, c'est moi. Arrête. Non, tu le rends. Marine.